Bien, et comme le disaient les Monty Python, now for something completely different. Enfin, ça reste tout de même lié à l'emploi de the. Alors, mettons que vous voulez parler de la sœur de Julie. Il faut dire Julie's sister et non the sister of Julie. De la même manière, pour traduire la voiture d'Anthony, il faudra dire Anthony's car. Anthony's car, oui, et non the car of Anthony. En effet, en anglais, on emploie normalement apostrophe s pour indiquer que quelque chose appartient à quelqu'un. Et l'ordre des deux noms est inversé par rapport au français. Pensez pour vous aider que quand on dit Julie's sister, on dit en fait que Julie has a sister. Et de même pour Anthony's car, qui revient à dire que Anthony has a car. Alors, comment dira-t-on le dentiste de Lola? Lola's dentist. Lola's dentist. Alors, est-ce que vous avez compris? On emploie donc apostrophe s quand le premier nom fait référence à une personne, ou encore à tout autre être animé, comme par exemple un chien ou un chat. Ainsi, c'est une vie de chien en anglais, ça donne It's a dog's life. It's a dog's life, c'est ça. Mais il y a d'autres cas dans lesquels on emploie également apostrophe s, notamment avec les expressions de temps. Alors mettons que vous cherchez partout dans la maison le journal de la veille. Alors comment demanderez-vous « As-tu vu le journal d'hier ?» Alors là, « watch out », parce que tout comme pour la sœur de Julie, « Julie's sister », on n'emploie pas « the » avant « newspaper ». Alors encore une fois, « As-tu vu le journal d'hier ?» Have you seen yesterday's newspaper? Have you seen yesterday's newspaper? Et comment direz-vous la réunion de la semaine prochaine? Next week's meeting. Next week's meeting. Donc là encore, on n'emploie pas the. Alors, je sais bien que vous aurez naturellement tendance à employer la forme avec of, comme nous avons pu le faire dans des exemples comme a way of learning ou a source of hope. Mais en anglais, on ne dit pas « the dentist of Lola »,« the newspaper of yesterday » ou « the meeting of next week ». Bien entendu, on vous comprendra si vous employez « of » au lieu de « apostrophe s ». Mais essayez d'employer « apostrophe s » et non « of » et votre anglais n'en sera que plus « authentic », »,« authentique ». Mais revenons au cas où effectivement on emploie « of ». Sachant que le mot pour civilisation est exactement le même en anglais, mais prononcé civilization, comment direz-vous à l'université, elle a étudié l'histoire de la civilisation européenne? At university, she studied the history of European civilization. At university, bien. Donc, comme dans at school ou at home, on n'emploie pas the. At university, she studied the history of European civilization. Alors j'espère que vous avez bien mis le the devant history, puisqu'il s'agit là de l'histoire de la civilisation européenne en particulier. Mais j'espère que vous l'avez omis devant European civilization, puisque là, il s'agit de la civilisation européenne en général. Alors si vous avez encore des doutes sur l'emploi ou non de the, n'hésitez pas à réécouter ce que nous avons vu juste avant, car Michel Thomas insistait toujours là-dessus. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la phrase « À l'université, elle a étudié l'histoire de la civilisation européenne. » At university, she studied the history of European civilization. At university, she studied the history of European civilization. Et mettons que l'un des livres qu'on lui demandait de lire s'intitulait « La chute de l'Empire romain », un livre célèbre écrit au XVIIIe siècle par Edward Gibbon. Alors pour traduire ce titre, vous allez devoir employer « of » et non « apostrophe s », parce que l'Empire romain ne désigne ni une personne, ni quelque autre être animé. Alors vous connaissez peut-être le verbe « to fall », tomber, chuter. Eh bien, le nom correspondant est le même, The Fall. Hein, la chute, c'est un nouvel exemple de l'offre deux en un. Alors, le mot pour empire est le même qu'en français, mais prononcé empire. Et romain se dit Roman. C'est presque identique au français, mais sans le i. Roman, R-O-M-A-N. Alors, avec tous ces éléments en main, comment traduirez-vous le titre de ce livre ? La chute de l'Empire romain. The Fall of the Roman Empire. The Fall of the Roman Empire. Et puisqu'on parle de livres, l'un de mes préférés, c'est L'origine des espèces de Charles Darwin. Alors si le mot origine est pratiquement le même en anglais, mais sans le E final, est prononcé origin, donc O-R-I-G-I-N, et espèce au singulier comme au pluriel se dit species, ça s'écrit S-P-E-C-I-E-S. Comment dira-t-on « L'origine des espèces est un livre fabuleux » Alors, livre se dit « book », B-2-O-K. The Origin of Species is a fabulous book. The Origin of Species is a fabulous book. Bon, nous sommes en train de nous orienter vers des sujets très intellectuels et je vous propose que nous revenions à des exemples plus prosaïques. Si vous avez vu des vieux films américains en noir et blanc ou de vieux dessins animés, vous connaissez peut-être l'expression « the end » qui apparaissait dans le générique de fin et qui veut dire « la fin ». « The end », E-N-D. Alors comment direz-vous « nous avons regardé la fin de l'émission » et ici « watch out », on avait vu qu'en anglais, on emploie « to watch » et non « to look » quand il s'agit de regarder la télévision. Et sachez que dans toutes les expressions qui font référence à la partie d'un tout, comme ici « la fin de l'émission », la partie et le tout sont reliés par « of ». Alors, nous avons regardé la fin de l'émission. We watched the end of the program. We watched the end of the program. That's right. Avec la partie et le tout reliés par « of ». De la même manière, au milieu de la pièce se dit « in the middle of the room » avec « middle », M-I-D-D-L-E, qui veut dire « milieu ». Ou encore le début de la semaine, « the start of the week », et le haut de la page, « the top of the page », « the top », T-O-P, c'est le haut. Bien, alors si le verbe « marcher » se traduit « to walk », W-A-L-K, et « montagne » se dit « mountain », M-O-U-N-T-A-I-N, comment direz-vous « nous avons marché jusqu'en haut de la montagne » Alors, pour traduire « jusque », ici, on emploiera « to ». We walked to the top of the mountain. We walked to the top of the mountain. Et le contraire de « top », c'est « bottom ». B-O-T-O-M. Le bas ou le fond. « Bottom ». Bien, alors, sachant que « corps » se dit « body », B-O-D-Y, et « lac » se dit « lake », L-A-K-E, comment traduira-t-on « ils ont trouvé le corps au fond du lac » They found the body at the bottom of the lake. They found the body at the bottom of the lake. On dirait bien le début d'une histoire de meurtre. Alors je propose de passer à d'autres sujets moins scabreux.